Et ça, qui est-ce ? Ça, c'est Sophie. C'est ma cousine. Du côté de maman. Une potier. Ah oui, la sœur de Philippe ? Oui, c'est ça. Et comment est-elle ? Elle est sympathique, la petite cousine ? Ouais, enfin, elle est gentille. Mais je préfère mes cousins Bello, surtout Georges. Elle n'est pas mal, ta cousine. Quel âge a-t-elle ? Elle a 17 ans. Et un seul caractère, je te préviens. C'est vrai ? Ça, c'est Sophie, ma cousine. C'est Sophie, ma cousine. C'est ma cousine du côté de maman. Du côté de maman. Comment est-elle ? Elle est sympathique ? Comment est-elle ? Comment est-elle ? Comment est-elle ? Elle est sympathique ? Sympathique ? Elle est sympathique ? Elle est sympathique ? Ouais, enfin. Elle est gentille. Elle est gentille. Elle est gentille. Elle est gentille. Est-ce que Sophie est sympathique d'après Mireille ? Oui, enfin. Mais je préfère mes cousins Bello. Surtout Georges. Elle n'est pas mal, ta cousine. Elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal, ta cousine. Elle n'est pas mal, ta cousine. Quel âge a-t-elle ? Quel âge a-t-elle ? Elle a 17 ans. 17 ans. 17 ans. Elle a 17 ans. Elle a 17 ans. Elle a 17 ans et un sale caractère, je te préviens. Elle a un sale caractère. Un sale caractère. Un sale caractère. Elle a un sale caractère. Elle a 17 ans et un sale caractère. Je te préviens. Je te préviens. Je te préviens. Je te préviens. Ça, c'est Marie-Laure en tutu. Ça, c'est Tante Georgette avec son toutou. Fido, il s'appelle. Ce sont mes parents. Et ça, c'est ma grand-mère. Ça, c'est mon grand-père. Ça, c'est mon arrière-grand-père. Ça, c'est mon arrière-arrière-grand-père. Et ça, c'est son arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Monsieur de Cro-Magnon. D'ailleurs, elle lui ressemble, vous ne trouvez pas ?